cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu wassalam ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna ams, ou qabla ams, le dernier cours, bab al-istiwa. Qawluhu azza wa jal, thumma stawa ala l'arsh. Al-istiwa, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذكرنا كذلك أن أهل البدع كالمعطلة والمحرفة ils ont rejeté cet attribut et بعضهم ils ont déformé le sens فقالوا استوى بمعنى استولى et on avait lu كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وكذلك كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في بيان بطلان هذا التحريف et on a lu plusieurs points وأشكل على البعض قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه certains frères ils n'ont pas compris la parole de الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي في اللوازم قوله ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة Aïe, le fait d'expliquer istawa par staula, ça va impliquer des choses fausses. Parmi ces choses, قال رحمه الله من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها. ثم قال وهذه لوازم باطلة. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فقوله من اللوازم الباطلة أي si on explique استوى par استولى ça va impliquer des choses fausses فمثلا قال الشيخ ابن عثيمين يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال أي بمعنى استولى من معاني Astawla, c'est le fait de posséder, de dominer. Enfin, si on prend le sens posséder, en Allah subhanahu wa ta'ala, istawa et istawla, est-ce que hada c'est réservé au arsh faqat? Est-ce que c'est réservé au trône? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ala hada al-qawl, si on dit istawla ala l'arsh, wa hakada, on peut répondre, lakin istawla kadhalik ala l'ard, wa shajar, wa l'jibal. وعلى جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى يبسطو القاهر فوق عباده سبحانه هذا قول شيخ العثيمين إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال أي il n'y a plus aucune différence entre العرش et les autres créatures alors que الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى il a spécifié العرش بهذا الفعل أي الاستواء il l'a fait sur le عرش donc ça nous montre qu'il y a un sens spécifique au arsh. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette action. Quand il a créé les cieux et la terre, il s'est élevé sur son trône. Et aujourd'hui, on va voir le dars en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toutes les créatures. Azza wa jal. Fal fi'l, il est khas bil arsh. Et l'ulu, il est am. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toutes les créatures. Wa qawluhu wa hadhihi lawazim batila. Aïe, ça revient en trois points. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala. Donc, il a cité... Trois points, قال أنه يلزم عليه لوازم باطلة. Le fait d'expliquer استوى par استوى là, ça va impliquer des choses fausses. Parmi ces choses fausses, قال أن يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه إلى آخره. Ça, c'était le premier point. أي ما يتعلق بقوله ثم. قال فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. لأن الله عز وجل قال ثم ça montre que هذا الفعل il l'a fait pour avoir créé les cieux la terre si on explique استوى par استولى ça veut dire que avant la création des cieux et de la terre le arche il était pas Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est très très grave Allah subhanahu wa ta'ala il possède tout le deuxième point أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد المغالبة بعد مغالبة en général العرب quand ils appliquent Ce mot istawla, le fait de dominer, en général, c'est ba'd mughalaba. En général, il y a une opposition. Thumma, une des deux choses, elle a eu le dessus. C'est ça, ma'na istawla, en langue arabe. هذا استغراب. فلهذا قال شيخ العثيمين: ولا أحد يغالب الله، الله سبحانه وتعالى سي القوي سي العزيز، بيرسون نو بو سوبوزي ا لوي سبحانه. Et le troisième point, c'est ce qu'on vient de citer. Enfin, ces trois points, قال وهذه لوازم باطلة. Tout ça, c'est des لوازم باطلة. Et ça montre, قال وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. Si ce mot, ça implique des choses fausses, ou plutôt cette explication, elle implique des choses fausses, enfin, l'explication, elle est fausse. Il y en a six que ça implique, c'est faux. Forcément, l'explication, elle est fausse. هذا قوله وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. اللازم c'est les trois points. الملزوم c'est l'explication. والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا c'est باب العلو. الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité plusieurs versets après avoir cité des versets sur الاستواء. Il a cité des versets sur Al-Ulu. Aïe, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toutes les créatures. Qala bel rafa'ahu Allahu ilayh. Wa qala ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uh. Wa qawluhu ya Haman ibnili, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughu al-asbab. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Donc des versets clairs. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est fi al-ulu. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, qawluhu li ma yata'allaq bil-shahid. Léana les versets, Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah, dans son charh, il a expliqué chaque mot. Mathalan, qawluhu ya Isa, inni mutawaffika ila akhir. Lakin, nahnu, vu que c'est un charh résumé, enfin on se concentre sur Al-Shahid mina al-Aya. Ay, pourquoi il a cité ce verset, Al-Imam Al-Taymiyyah rahimahullah, dans ce chapitre, ay, an Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de la créature. Faqawluhu wa rafi'uka ilay, ay, rafa'ahu Allahu ilayhi fi s-sama, wa huwa hayyun, wa hadha mahallu Al-Shahid mina al-Aya, wa huwa ithbatu al-ulu lillah. لأن الرفع يكون إلى أعلى. الله سبحانه وتعالى إلى إلوي عيسى ذغلبي. فتأمل قوله إلي أي إلى الله سبحانه وتعالى. فسمتك الله إلى au-dessus. S'il a élevé عيسى auprès de lui, le fait qu'il l'a élevé, ça montre que Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus. وقوله إليه يصعد أي الكلم الطيب أي إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره يرتفع. Ça ressemble à l'istidlal précédent. As-su'ud, c'est l'irtifa. C'est quelque chose qui monte. As-su'ud, c'est quelque chose qui monte, qui s'élève. فالله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب. أي الكلم الطيب, les bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève auprès de lui. Ilayhi yas'ad, ou plutôt les bonnes paroles, elles montent. عند الله subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que Allah azza wa jalla, il est au-dessus. وهكذا قوله والعمل الصالح يرفعه. Ça ressemble. وقوله يا هامان ابن لي صرحا قال حفظه الله هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي طرق السماوات وأبوابها فأطلع إلى إله موسى بنصب فأطلع إلى أن قال ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء. نعم. دونك Haman, qui faisait partie des proches de Pharaon, il a dit à, ou plutôt Pharaon, n'am, il a dit à Haman, un de ses proches, construis-moi une tour pour que je monte. لماذا قال فأطلع إلى إله موسى أي pour voir إله موسى أي la divinité de Moussa. Moussa il prétend qu'il y a un إله Allah subhanahu wa ta'ala le créateur qui est unique. Pharaon il a demandé à Haman de lui construire cette tour pour pouvoir monter pour voir. Ça montre quoi? Ça montre anna indahum. C'était connu et c'était répandu anna Moussa alayhi salatu wassalam. Il leur a montré anna al-ilah, ilahul haq, il est au-dessus. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. C'est pour ça que Fir'aoun, il a fait cette proposition. Donc, c'est واضح anna hada, c'est un istidlal clair de ce verset. Anna Allah azza wa jalla, il est au-dessus. قال ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إلها في السماء. C'est pour ça que Pharaon قال Allah سبحانه وتعالى il a rapporté sa parole في القرآن وإني لأظنه كاذبا أي pensait que Moussa il mentait. كما قال شيخ الفوزاني ما il mentait par rapport à le fait qu'on doit adorer Allah عز وجل seul ou le fait de prétendre que Allah il est au-dessus. Ah, ou les deux explications ne se contredisent pas. قال والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. C'est pour ça que Pharaon il a essayé de démentir Moussa. لأن موسى il a montré et il a appelé à adorer Allah سبحانه وتعالى seul et Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux. Le dernier verset قوله أأمنتم قال الأمن ضد الخوف من في السماء إذا الشاهد أي عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه. Donc قوله من في السماء le verset il est clair أن الله سبحانه وتعالى il est في السماء ومعنى في السماء أي على السماء وهذا c'est important لأن بعض الناس ils ont pas compris ce verset. لماذا لأن c'est un manque de connaissance dans la langue arabe. Harf fi, la lettre fi, tu peux la traduire par dans. Matalan, tu dis al-ma'u fi al-ina, ou fi al-kawb, ou fi al-kas. Il y a de l'eau dans ce verre. En langue arabe, c'est la lettre fi, harf fi. Et vu que certains y comprennent de la langue arabe que certaines ma'ani, que certains sens, à cause de leur manque d'études, à cause de leur faiblesse dans la compréhension, il a akhri. Ils ont pensé que qawluhu fi huna c'était fi al-dharfiyya. Al-dharfiyya c'est bima'na, pour vous simplifier en français, dans. Maintenant on dit Muhammadun fi al-masjid. Quand on dit Muhammadun fi al-masjid, est-ce que tu comprends que Muhammad il est au-dessus du masjid? Là, tu comprends que Muhammad il est à l'intérieur du masjid. Fi huna c'est bima'na al-dharfiyya, ay à l'intérieur. Faqawluhu man fi al-sama. C'est bimana ala. Ay, harf fi en arabe, il a plusieurs sens. Parmi ces sens, avarfiya dedans. Et parmi ces sens, ala, au-dessus. Falihada qala al-shaykh al-fawzan hafidhahullah. Ay, ala al-sama ka qawlihi ta'ala wa la usallibannakum fi judhu'i nakhl. Qawlu fi judhu'i nakhl. Judhu'i nakhl, c'est les 30 palmiers. Wa la usallibannakum, c'est le fait de crucifier. Fa fir'aoun. Quand il a menacé As-Sahara, qui ont fait Tawbah et qui se sont prosternés et qui ont cru en Moussa et en son message, il les a menacés. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ هُنَا فِي سَبِي مَعْنَا عَلَى. Il y en a crucifié quelqu'un sur un tronc, tu ne peux pas le crucifier à l'intérieur. Tu ne vas pas ouvrir le tronc et le crucifier à l'intérieur et refermer. Abadan. Le fait de crucifier, c'est sur le tronc. Et هذا c'est معروف. Et ça nous montre en langue arabe, fi. يأتي بمعنى على. كذلك il y a plusieurs textes في الأرض. في الأرض أي au-dessus de la terre. Tu dis فلان يمشي في الأرض. فلان يمشي في الأرض. Est-ce que ça veut dire أنه il marche dans la terre à l'intérieur? Là il marche sur la terre. على ظهر الأرض. Donc في on est d'accord أن en langue arabe ça peut être بمعنى الظرفية أي à l'intérieur dans. Et ça peut être au-dessus. Donc, قوله في السماء, on l'explique par Allah. Pourquoi? واحد يبقى سو دوموندي لكن بوركوا بوركوا سا سو با لوتر سونس لي انا لي تكست ان نو سو كونتروديس با دون لوتر دي. الله سبحانه وتعالى قال مثلا وهو القاهر فوق عباده. الله سي القاهر فوق العباد اي او دوسو دي عباد اي توت لا كرياسيون. الله سبحانه وتعالى لي او دوسو اي كذلك بوكو دو احاديث بوكو دو فيرسي qu'on va étudier ensemble بإذن الله عز وجل dans ce livre. Donc vu qu'il n'y a pas de contradiction, فالله سبحانه وتعالى tu ne peux pas comprendre أنه il est في السماء à l'intérieur. وهكذا الله سبحانه وتعالى c'est العظيم, c'est الأكبر. الله سبحانه وتعالى il est plus grand que sa créature. الله سبحانه وتعالى il est immense. فكومن عياذا بالله penser أنه il est à l'intérieur de la créature. هذا من أبطل الباطل. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم إذا مطخنا هذا الباب باب العلو أن الله إليه أدسو يا plus de 1000 preuves في القرآن وفي السنة. إما دي preuves direct إما دي preuves tu comprends indirectement ou pas directement أن الله إليه أدسو. C'est pour ça que العلماء ils ont donné beaucoup d'importance à ce sujet باب العلو. فلهذا celui qui ne croit pas أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus malgré toutes ses preuves, en général il ne croira pas أن الله سبحانه وتعالى il a un visage, il a deux mains, il a des yeux, il a des doigts, etc. Il y en a certaines صفات peut-être que tu vas trouver un دليل فقط une preuve من القرآن ومن السنة et on est obligé d'accepter même s'il n'y a qu'une preuve. لكن هذا pour vous montrer أن بعض العلماء commence par هذه المسألة comme on a vu في الاقتصاد في الاعتقاد أن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله il a commencé par cette مسألة. Et كذلك مسألة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم صفة الكلام. لأن celui qui rejette ces deux attributs, الكلام أي أن الله يبعد et أن الله il est au-dessus, فمن باب أولى il rejettera les autres attributs. Pourquoi? Parce que ces deux attributs il y a beaucoup de preuves et العلماء ils ont beaucoup insisté pour démontrer. فهذا donc قوله on répète في السماء أي على السماء كقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية. Ça c'est la première explication. في السماء si tu laisses tu gardes le sens de السماء أنه c'est le ciel ou les cieux. فالله سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux. Pourquoi on dit que si on garde le mot السماء comme il est son sens connu et anna sama kadhalik ya un autre sens en langue arabe. فلهذا قال الشيخ البوزان حفظه الله وان اريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفيه اي في العلو. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه dans son شرح il a cité هذا فقال من في السماء اي من في العلو. لماذا؟ لأنه استبازي سيقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت إلى آخرها أودية بقدرها. قال والمراد بالسماء العلو لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء. هذا سان كلام قوي. Est-ce que la pluie elle descend du ciel ou elle descend des nuages? Là, chaque que la pluie elle descend des nuages. La preuve de cela c'est que quand il fait beau il ne pleut pas. Pourtant le ciel il est présent. Il pleut quand il y a des nuages. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses à la cause pour qu'il pleuve, c'est qu'il y a des nuages. C'est pour ça que qawluhu anzala min as-samaa'i ma'an, fa al-haqiqa l'eau elle descend pas du ciel, elle descend du 'ulu. Et par rapport à nous, l'eau elle vient d'en haut, la pluie elle vient d'en haut. Donc, al-ulama ils ont expliqué as-samaa' huna bi ma'na al-'ulu wa illa fal-ma' yanzilu min as-sahab. C'est pour ça que as-samaa' en langue arabe العرب دي فوا اللي اكسبليك بمعنى العلو اي لا ديريكسيون دو دسو. هذا استدلال قوي. او نجعل قال في بمعنى على اي هذا تقدم ولا اصلبنهم في جذوع النخل اي على جذوع النخل. اي لا سيتي نعم ما يتعلق او ان اوتر اكزامبل قال وقوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. في الارض لا شك أن الله سبحانه وتعالى الذين فوق الأرض يعبدون اي دوتر اكزامبل. على كل حال نغيزم قوله أأمنتم من في السماء سي ان دليل أن الله عز وجل إلي أو دوسو دو لا كرياتور. ووجه الاستدلال إلي واضح أن قوله في السماء الله سبحانه وتعالى إلي في السماء أي فوق السماء أو على السماء. Pourquoi on a expliqué في par على؟ Parce qu'on a un texte, des autres textes qui montrent que في en langue arabe ça a plusieurs sens et parmi ces sens au-dessus. قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل. Et la crucification c'est pas à l'intérieur du tronc, c'est au-dessus du tronc. هذا c'est واضح. La deuxième explication في السماء في العلو. Pourquoi? Parce qu'en langue arabe, « sama » ça a le sens de l'ulu, la direction du haut. Et « taqaddam ma'ana » An Allah subhanahu wa ta'ala « anzala min as-sama ima'an » ay min al-ulu » La pluie, elle ne descend pas du ciel, elle descend des nuages qui sont dans le ciel. « Wa illa » s'il n'y a pas de nuages, s'il fait beau, il ne pleut pas. « Hada » La'allahu » c'est clair. « Qala hafidahu Allah ta'ala » والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه حيث صرحت أو حيث صرحت أي لدو فيغس أنه سبحانه في السماء فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليه رحمة الله عليه على إثبات العلو كما دلت الآيات على التي قبلها على إثبات استواء الله على عرشه donc c'est des versets clairs أن الله سبحانه وتعالى Il est au-dessus. Et le chapitre précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, istawa ala al-arsh. Il est au-dessus de son trône. Avant de citer la différence entre l'istiwa et l'ulu, taqaddam ma'ana dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakada fi l'iqtisad fi ma athkur, anna l'ulu il est ala anwa'. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ali. Parmi ses noms, al-ali et parmi ses noms, al-a'la. Wa l'ulama yaqulun anna l'ulu, c'est de plusieurs catégories. C'est ce qu'on vient de voir. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partout. Allah, il est au-dessus de son trône. Et son trône, il est au-dessus des cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, au-dessus de toute la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'zam. Il est akbar, c'est l'a'la subhanahu. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبليغ les cieux avec sa main فكمان بخطان أن الله سبحانه وتعالى يلي dans les cieux alors que الله سبحانه وتعالى يبليغ les cieux et la terre avec sa main عز وجل أما ces différentes catégories علو القدر والشأن وعلو الصفة فهذا والله الحمد on l'a vu dans les دروس précédents ولعل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى citer هذا dans son شرح pour celui qui veut se réviser أو qui n'a pas assisté معنا نعم قال اعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علو معنوي وعلو ذاتي أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة نعم العلو المعنوي c'est أن الله سبحانه وتعالى il a pas de défaut il est parfait ses attributs sont parfaits أي علو الصفة وكذلك علو القهر أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures أي أن toutes les créatures elles sont sous son commandement سبحانه فهذا tout le monde l'accepte لكن النزاع بين أهل السنة وأهل البدع c'est في علو الذات أي ce chapitre que l'imam Al-Taymiyyah il a cité في الواسطية أن الله عز وجل il est au-dessus de son trône au-dessus des créatures والذين خالفوا في هذا الباب أي خالفوا أهل السنة في علو الذات أي ceux qui prétendent أن الله سبحانه وتعالى il est pas au-dessus ils sont de plusieurs catégories il y a plusieurs égarés في هذا الباب منهم من قال أن الله عز وجل في كل مكان بذاته بعضهم عيادا بالله ils ont dit Allah il est partout هذا c'est قول الحلولية الجهمية المعطلة ils disent que Allah سبحانه وتعالى il est partout وهكذا c'est قول الصوفية الضلال الذين تأثروا بهذه العقائد الباطلة ils disent que Allah سبحانه وتعالى بذاته الذات c'est son être عز وجل أي il est partout هذا لا شك أنه c'est un قول il est très très grave il est خطير Là, dans certains endroits, il y a des mauvaises choses, il y a des impuretés. Fait prétendre que Allah il est partout, c'est très très grave. Et taqaddam ma'ana en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'azim, c'est le kabir, c'est l'a'la. Fait comment prétendre qu'Allah il est dans sa créature? Kadhalik, ba'dhum qal, annahu, tu peux pas dire en Allah subhanahu wa ta'ala il est dakhil l'alam, ou kharij l'alam. Ou ba'dhum, ils ont dit, tu peux pas dire Allah subhanahu wa ta'ala il est fouq, ou taht. أو على اليمين أو على الشمال أو أمام أو الخلف هؤلاء كذلك من أقوال الجهمية الضلال ils disent que tu peux pas dire il est au-dessus ou en dessous ou à l'intérieur de la créature ou en dehors de la créature alors iyadun billah la haqiqa ils ont décrit le néant العدم لأن ما من موجود وإلا وله صفات أوصاف فالله سبحانه وتعالى il a des صفات il est au-dessus. فتأمل هذا القول الخطير قول الجهمية. Ils disent qu'Allah il a pas de main, il a pas de visage, il a pas d'ilm, il a pas de rahma. Il a akhiri, il rejette toutes les صفات, ثم ils disent Allah سبحانه وتعالى il est pas au-dessus, il est pas en dessous, il est pas dans la créature, il est pas en dehors de la créature. فلهذا بعض العلماء قالوا أن si on aurait voulu citer une définition du néant, العدم, on n'aurait pas pu citer une définition meilleure que هذا القول. En fait, ils ont décrit le néant. Pas de sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il est akhir. Hada, c'est al-adam. Amma al-mu'minun, ahl-sunna, va yu'minun en Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sifat. Et kadhalik, yu'minun en Allah, il est au-dessus de sa créature. Et sans, iyadam billah, comparer Allah à la créature. Pardon, ils disent que s'il est au-dessus, ça veut dire ça implique kada. Ça implique qu'il est dans un endroit. Et si tu dis kada, ça implique qu'il a un jism. Ça implique qu'il est limité dans l'espace. Il a akhir. Tout ça, c'est un kalam fariq. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Il a créé la créature. Il a créé le trône. Il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de toutes les créatures. Et on s'arrête là. Amma, comparer. Chercher le kayfiyya. Pourquoi ils se sont égarés? Les anahoum, ils réfléchissent dans le comment. Et l'insan, il ne peut pas comprendre ces choses. Tu n'as jamais vu l'invisible, tu n'as jamais vu Allah Azzawajal, tu n'as jamais vu le trône. Belle, tu connais même pas, tu ne connais même pas la créature. Est-ce que Wahad Al-An, il connaît la créature, comment Allah il a créé les cieux? Est-ce qu'il a déjà vu le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le trône, le kursi? On n'a pas vu tout ça. Enfin, la créature, certaines choses, tu ne peux pas t'imaginer. فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ أَوْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ الْجَنَّةُ Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, tu ne peux pas l'imaginer. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu et tu ne peux pas imaginer dans ton cœur ce que Allah il a préparé pour les croyants. Hakada qala an-nabi alayhi salatu wasalam. Parce que c'est la créature et tu ne peux pas comprendre et tu n'as jamais vu une chose semblable. Falihada Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi bayyana fi at-tadmuriyya, et Cheikh Ibn Uthaymeen il a simplifié hadha al-mithal at-tayyib fi at-taqrib, et insha Allah ta'ala on étudiera ce livre ensemble. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a pris comme hujja, vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé certains fruits fi dunya. Et il a créé des fruits fi jannah. Ils ont le même nom. Madalan fi dunya, il y a des raisins. Fi jannah, il y a des raisins. Fi dunya, rumman, wa tuffah, etc. Et fi jannah, il y a des rumman, etc. Fi dunya, il y a du halib, il y a du asal. Fi jannah, il y a halib ou asal, du lait, du miel, des fruits, etc. Mais à hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a dans le paradis, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu et on ne peut pas l'imaginer. Pourtant, le nom, c'est le même. Lait et lait, miel et miel, fruit et fruit. Ça nous montre ماذا ? Ça nous montre أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المعنى. Et le fait que deux choses, elles ont le même nom, ça implique pas qu'elles sont identiques, elles se ressemblent. Ça, c'est dans certaines créatures, l'exemple qu'on vient de citer, Viljanna. فَمَا بَالُكْ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى il est au-dessus et c'est pas comme nous. Allah il est au-dessus subhanahu de son trône, il a des sifat. فَنُؤْمِنْ بِهَذَا et on fait attention à الْخَوْد فِي الْكَيْفِيَّة. أَمَّا الْأَشَاعِرَ فَاِخْتَلَفُوا فِي هَذَا et ça montre أَنَّهُمْ ils sont pas على الحق لأن الحق واحد. أهل السنة ما اختلفوا. أهل السنة السلف ils disent tous Allah il est au-dessus بذاته عز وجل. أما الأشاعرة اختلفوا فبعضهم فوض وبعضهم ils ont fait du تفويض هنا ما أثبتوا علوا ولا نفوه Enfin, ils lisent le verset, ces versets à la zahir et ils ne se prononcent pas. Et ils ne connaissent pas le sens. Ça montre à dhaaf. Limadha li annahum, ils ont des doutes. Fallah al-musta'an. Ma'a anna al-imam Abul Hassan al-Ash'ari, rahmatullah alayhi, wa al-Ash'ari yantasibuna ilayhi, prétend suivre Abul Hassan al-Ash'ari dans son livre Al-Ibana, un de ses derniers livres qu'il a écrit, il a expliqué Aqidat al-Salaf, et il montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Et il a suivi les salaf fi hada. Lakin, hakada ahlul bid'a wal ahwa, hum, qu'est-ce qu'ils disent? Anna, ce livre, c'est pas Abul Hassan qui l'a écrit. C'est certains qui ont menti sur lui, il a akhri, fait, ils ont rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala thabat al-hawa, c'est très très grave. Même si Dalil, il est sous les yeux de l'insan, s'il suit ses passions, da'iman, il aura une excuse. Imma al-hadith, il est da'if, c'est un hadith. Imma s'il est sahih, c'est l'explication. Lakin, un tel, il a dit. Imma, si c'est même le shir qui suivent, qui dit ce qu'on lui diront, lakin, les gens, ils ont menti sur lui. C'est quoi la preuve que c'est lui qui a écrit? Il a akhri. À ce compte-là, tous les livres. Pourquoi vous suivez certains livres ou certaines paroles, les anciennes de Abul Hassan al-Ash'ari? On peut vous dire la même chose. C'est quoi la preuve que c'est lui qui l'a écrit? Il a akhri. Enfin, le hawa, c'est très très grave, les passions. Baqiya, la différence. Au qabla hada, on lit une parole de l'imam Nutaymiya, rahimahullah. Qala, fassalaf wal a'imma yaqouloun. إن الله فوق السماوات فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الله سبحانه وتعالى il est au-dessus فوق سماواته مستو على عرشه il est au-dessus de la créature. Il s'est élevé sur son trône subhanahu wa ta'ala بائن من خلقه. بعض العلماء يغجوت هذا pour répondre à al-ittihadi al-hululiyya, ceux qui prétendent qu'Allah il est partout. Ba'inun an khalqi. Ba'inun, ça veut dire qu'Allah il n'est pas à l'intérieur de la créature, il n'est pas mélangé à sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq, c'est le créateur. Azza wa jal. Qala kama dalla ala dhalika al-kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Al-kitab, on a étudié ensemble certains versets. As-sunnah, al-imam Nutaymiyyah rahimahullah dans al-wasitiyya, il a cité des preuves. Al-Wasitiyya, Cheikhoul Islam, rahmatullah alayhi, awwalan, il a commencé par les versets. Vous avez remarqué tous les versets qu'on étudie ensemble. Thumma, après les versets, un chapitre où il cite des hadiths. Il va reciter les mêmes attributs, ou certains. Matalan, an Allah, il parle, an Allah, il est au-dessus, etc. Il va citer des hadiths. Min sunnatin nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Amma yijma' al-salaf, c'est clair. Anna al-salaf, kanu yu'minun, an Allah, azza wa jal, il est au-dessus. Qala, وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح وهكذا العقل il accepte هذا la raison elle accepte هذا وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه الفطرة c'est pour ça que tu trouves حتى غير المسلمين مثلا أهل الكتاب ils ont cette عقيدة بل حتى بعض الناس qui sont très très loin. Quand yatakallamuna fillah ou ils font du'a ou al-fitra al-insan il a été créé hakada, directement il se dirige vers as-sama. C'est pour ça que tu demandes même à un enfant qui est sagir, il ressent hada quand il apprend certaines choses, il ressent anna il a besoin de se diriger vers l'ulou. Hada c'est min al-fitra. Wa al-imam al-Uzaymin rahmatullah alayhi dans son sharh il a cité une qissa de Mila qu'on a déjà lu avec بعض الاخوه et on la répète هنا لماذا لان elle est liée au sujet قال رحمه الله dans son sharh page 246 dans le chapitre al istiwa juste avant al ulu juste avant de ou plutôt après le premier verset قال ولما كان ابو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر مذهب الاشاعره أبو المعالي الجويني إمام الحرمين c'était من كبار الأشاعرة c'était parmi les guides de هؤلاء وينكر استواء الله على عرشه بل ينكر علو الله بالذات نعم il rejetait أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus ça nous montre أن بعض الأشاعرة il rejette خاصة المتأخرين ceux qui sont venus après الجويني ils ont rejeté هذا أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره وهو الآن على ما كان عليه وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش لماذا؟ لأن الأشعرة يغجت صفة الأفعال pour eux الله سبحانه وتعالى les صفات qui lui ont attribué que c'est que des صفات ذاتية أما الفعلية qui sont liées à la machia, à la volonté et les actions ils rejettent لكن c'est des menteurs لأن العلو c'est une صفة ذاتية et ils l'ont rejeté الله il a toujours été au-dessus il a toujours eu هذا الوصف لكن هم ils ont une chouha qu'est-ce qu'ils disent ils disent كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره الله سبحانه وتعالى c'est l'awwal il était seul et il n'y avait rien donc il est toujours comme ça il est toujours comme ça ça montre qu'ils rejettent الأفعال أن الله سبحانه وتعالى يفعل certain choses على كل حال قال شيخ ابن عثيمين فقال له أبو العلاء الهمذاني أبو العلاء الهمذاني c'est un homme qui a assisté à cette assise et qui a entendu Al-Juwayni prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala il est pas au-dessus فقال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش يعني لأن دليله السمعي فتأمل أبو العلاء رحمة الله عليه قال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش أي لسنو نسيت با العرش et tout ce qui est lié au verset du Coran et aux preuves أدلة السمع لماذا لأن أبو العلاء رحمة الله عليه il a voulu lui montrer que même la raison elle prouve que Allah il est au-dessus. Mais les textes, ils les ont falsifiés, ils les ont déformés, ils ont rejeté certains. Maintenant, des hadiths, ils ont dit c'est faible. Et les versets du Coran, ils les déforment. Enfin, Abu al-Ala lui a dit, on délaisse les textes. قال, أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. Il lui a dit, informe-moi une chose. Pourquoi tous ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, حتى بعض غير المسلمين, بعض الكفار, des juifs, des chrétiens, أنهم, quand ils font du'a, ils sentent ce besoin de se diriger vers le ciel. C'est pour ça qu'on lève les mains, et hakada, tu sens ton cœur. Est-ce que quelqu'un, quand il fait du'a, il se dirige vers le bas? Abadal. Enfin, il lui a demandé, explique-nous hada. Explique-nous ce point. C'est lié à l'fitra. C'est lié à la saine nature. C'est lié à la raison. قال رحمه الله أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه حيرني الهمذاني وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره quand il lui a demandé la réponse أبو المعالي الجويني s'est retrouvé bloqué. قال حيرني الهمذاني حيرني الحيرة c'est tu ne sais plus quoi faire. Et il l'a bloqué. هكذا الحق. Et هكذا الباطل. الباطل celui qui n'est pas ancré dans la science, qui ne revient pas aux preuves. الحقيقة il s'accroche à des choses très fragiles. الأشاعرة ils ont écrit des livres, مجلدات dans ce domaine. Et علم كلام Ils ont parlé avec la philosophie, avec la logique, avec kada. Ils sont revenus aux paroles des philosophes. Et Andr, un simple kalam, que tout le monde vit, ils ne peuvent pas répondre. Amma sahibul haqq wa lillahi l'hamd, il peut répondre à hada. Pourquoi on ressent ce besoin? Allah Azza wa Jal, il est au-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé comme cela. Et on a des preuves qui appuient la raison et la fitra. C'est pour ça que celui qui veut les détails, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son charh, il a cité des preuves du Coran, de la Sunna, l'unanimité des salaf, la raison et al-fitra. Et on a lu, nous, ma yata'allaq bi al-kalam al-akhir. Wallahu a'lam. Qala al-alama Cheikh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, al-farqu bayna al-istiwa wal-ulu. Maintenant, pour conclure, la différence entre Al-Istiwa ou Al-Ulu. On a étudié les deux chapitres. Qala awwalan, il a cité deux points. Anna al-Uluwa min sifati dhat, wal-Istiwa min sifati al-af'al. Ça, c'est la première différence. Al-Ulu, c'est min al-sifat al-dhatiya. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu hada al-wasf. La yanfak'an. Al-dhabit, Comment reconnaître une sifa dhatiya? C'est un attribut qu'Allah il a toujours. Comme le visage, comme les mains, comme la science, comme la vie. Qala, wal istiwa min sifat al af'al. Al istiwa c'est une sifa fi'liya, et c'est une action qui est liée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut, il fait ce fi'l, et s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Hada, inshallah, c'est clair. Comme al-ghadab, comme al-rida, comme al-istiwa et beaucoup de sifat. قال فعلوه أو فعلو الله فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. قال ولذا قال فيه ثم استوى على العرش. C'est pour ça qu'Allah قال ثم. تقدم معنا أن ثم c'est un harf qui montre al-muhla wa tartib. Tu dis ja'a Muhammad thumma Umar. Il y a un ordre. C'est qui est venu le premier? C'est Muhammad. Ensuite Umar. Fa qala 'azza wa jall thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah il a créé les cieux et la terre, thumma istawa 'ala al-'arsh. Et ensuite ça montre que c'est une action que Allah il a fait après avoir créé les cieux et la terre. Wa kana dhalika ba'da khalqi as-samawati wal-ard. Ça c'est la première différence. La deuxième, أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. On revient à l'histoire qu'on vient de lire من شرح شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أن العلو c'est une صفة ذاتية et كذلك بعض العلماء on avait cité ces أقسام dans القواعد المتلة ils disent une صفة ذاتية عقلية et la raison elle accepte. Ça veut dire quoi la raison elle accepte? Ça veut dire que même si tu n'as pas de texte, même si tu n'as pas de dalil, tu expliques à quelqu'un, il va comprendre. Matalan ammi min al-awam, tu n'as pas de preuve et tu lui montres qu'Allah il est au-dessus, il va comprendre. L'imam d'Ali Anna lui-même, il a été créé hakada, dans son cœur il ressent hada. Allah azza wa jalla il est au-dessus et il sent le besoin de lever les mains et la akhir. C'est pour ça que Bard al-Nas, dès qu'ils font du'a ou ils sont tristes, ils sont touchés par une épreuve, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils regardent en direction du ciel. Ah là, il va te comprendre automatiquement. Amma al-istiwa la, sans dalil, l'insan, il ne peut pas, ça, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas attribuer, là, chaque fois, il faut un dalil, même pour les autres sifat. Lakin, العقل يكمبرون هذا il accepte après avoir eu connaissance du dalil. قال والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. نعم c'est comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, il a et tout ça c'est des sifat, il les appelle al khabariya. Ay il faut un khabar et même les autres bien sûr ils font un khabar, lakin al'aql si tu cites pas le khabar, ربما il rejette, hakada, si on peut formuler comme cela. Wallahu ta'ala a'lam. Pour comprendre al-wasitiyya, al-shuruhat al-ulama, il faut avoir étudié al-qawaid al-mutla avant. Ça facilite hada. Ça facilite, matalan, hadi taqsimat, sifa dhatiya, sifa fi'liya, khabariya, ma'nawiya, aqliya, etc. Tout ça, on l'a vu ensemble et on peut pas répéter à chaque fois. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تنبيه إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على فها هنا سؤال وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا. Si tu as compris l'explication de Cheikh Le Fouzan et ces deux différences qu'on vient de citer, Inch'Allah ta'ala, tu comprendras la réponse. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité une question là. Wahad, il peut se dire, lakin, est-ce que Allah Azza wa Jal, avant l'istiwa, l'istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait après la création des cieux et de la terre. Donc, avant la création des cieux et de la terre, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il était au-dessus? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, la yelzam dhalik, lian al-istiwa ala al-arsh, akhas min mutlaq al-ulu. Tastafid min hada, an al-istiwa, c'est un ulu khas. Al-ulu, c'est le fait d'être élevé. Fahuna, al-ulu, il est khas, il est spécifique, bimada, bil-arsh. Al-istiwa, c'est un ulu qui est spécifique à l'arsh. Ça veut dire que Allah, il a al-ulu al-am, al-mutlaq, il est au-dessus de toutes les créatures. Donc même avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il était au-dessus de toutes les créatures. Ahada. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والعلو شامل على جميع المخلوقات فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا c'est une صفات ذاتية الله il a toujours eu cet attribut أنه il est au-dessus de toutes les créatures لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش même avant d'avoir créé العرش il a toujours eu cet attribut أن الله سبحانه وتعالى c'est العلي c'est الأعلى قال ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه بل هو عال ثم بعد خلق السماء خلق السماوات والأرض خلق على علوا خاصا على العرش donc avant la création des cieux et de la terre Allah subhanahu wa ta'ala il était au dessus ثم quand il a créé les cieux et la terre il s'est élevé sur son trône un ulu spécifique au trône et c'est ça la différence entre al-istiwa wal ulu كما تقدم معنا اما الفوائد المسلكيه Si on a هذا الإيمان, on a la conviction أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus des créatures عز وجل. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم. Si l'insan, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Il est au-dessus de lui. Ça va le pousser à avoir peur. Khassatan Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus et il nous voit, il nous entend et il sait tout ce qu'on fait. Parce que si al-mu'min il a hadha al-iman billah azza wa jal, il n'y a aucun doute qu'il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi hiyanan on fait des péchés, on a des manquements? Par rapport à notre iman, il baisse. Et quand notre iman, il baisse, on tombe fil ghafla dans l'insouciance. Ou illa celui qui n'est pas dans l'insouciance, il se rappelle أن الله عز وجل il est au-dessus, il le voit. Ça lui permet de accomplir les obligations et de s'écarter des interdits. C'est pour ça que c'est très important d'étudier l'aqida ou le tawhid daiman et de lire et d'apprendre et de ne jamais négliger ce domaine, le domaine de la croyance et du tawhid. C'est ce qui réformera nos cœurs. Et si nos cœurs ils sont réformés, بإذن الله عز وجل, nos membres ils suivront. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير Donc ce chapitre c'est في صفة المعية المعية ça vient du mot مع أي أن الله il est معنا كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم أي وهو معكم إلي avec vous فالإمام ابن تيمية رحمه الله après avoir cité le chapitre de Al-Istiwa Allah il s'est élevé au-dessus de son tronc ثم le chapitre de Al-Ulu أن الله il est au-dessus de toutes les créatures il a cité des versets sur le Ma'iyya أي أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus et il est avec nous il est معنا قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الشاهد هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Donc tous ces versets, الشاهد منها سيقوله مع الصابرين مع الصابرين قوله مع الذين اتقوا etc. قال الشيخ الفوزان عفظه الله وهو معكم أينما كنتم أي هو معكم بعلمه رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم فقوله هو معكم أينما كنتم زي remarqué que الشيخ الفوزان عفظه الله il a expliqué par العلم لماذا لأن المعية elle est de deux catégories comme on va voir ensemble من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله المعية العامة C'est bimana l'ilm. En Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend et il sait tout. Ou al-ma'i al-khassa. Qawluhu, la tahzan, inna Allah ma'ana. Allah, il est avec nous. Aïe, huna, c'est bimana al-nasr wa ta'yid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux et il les secourt et il les préserve. Si tu as compris ces deux sens, tu comprendras tous ces versets. Le deuxième verset, qala, qawluhu, illa huwa ma'ahum. Qawluhu ma yakunu min najwa thalathatin. Et quand trois personnes sont ensemble, ils parlent, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le quatrième, cinq, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sixième. Thumma qala, illa huwa ma'ahum. Allah, il est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux. Qala bi'ilmihi ya'lamu ma yatanajawna bihi wa la yakhfa alayhi shay'un min. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Est-ce que tu comprends? Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'ahum, il est dans la même pièce. Iyadan billah. Tu peux pas comprendre hada l'iman li anna taqaddama ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Et on a une règle essentielle dans notre din. Anna les textes, il n'y a pas de contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana, il nous a informé annahu il est au-dessus et il nous a informé annahu il est ma'ana. Donc tu comprends min hada al-ma'iyya al-amma ou al-khassa. C'est pour ça que as-salaf ils ont compris al-ma'iyya al-amma bil-ilm et ils ont compris al-ma'iyya al-khassa bin-nasr wa al-ta'yid. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa qawluhu ta'ala aynama kanu معناه إحاطة علمه سبحانه بكل تناج يقع منه في أي مكان إسساء الشاهد أينما كانوا أي إحاطة علمه أي الله سبحانه وتعالى إسيتو الشاهد من الآية qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset قال أن فيها إثبات معية الله لخلقه وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعمالها. Donc Allah il est معنا. Et مقتضى ذلك ça implique quoi? أن الله سبحانه وتعالى il sait tout. سبحانه. Et أنه il voit هذا العبد et il l'entend. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله قال في الحاشية ذكره ابن كثير في التفسير والذهبي في العلو افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. Et ça c'est une remarque importante. Le verset, le début, Cheikh l'Islam Taymiyyah, il n'a pas cité depuis le début. Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a cité « Min qawlihi ma yakunu min najwa thalatatin illa huwa rabi'uhum ila akhari ». Lakin, si tu reviens au Coran et tu lis le verset du début, « Qala azza wa jal, alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Ma yakunu min najwa thalatatin illa huwa rabi'uhum ila akhari ». Et à la fin du verset, قال عز وجل إن الله بكل شيء عليم. Vous avez remarqué que le début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala قال ألم ترى أن الله يعلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Il connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et à la fin du verset, قال إن الله بكل شيء عليم. Allah, il sait tout. Et entre les deux, قال وهو قال إلا وهو معهم. إلا وهو معهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه هنا إلى مدخلنا سمعية العلم سبحانه الله سبحانه وتعالى إلى ديبوتي لفرسي بار العلم إلى فيني لفرسي بار العلم وقوله لا تحزن إن الله معنا هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن أي دع الحزن إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده هذه المعية الخاصة الخاصة بالمؤمنين أما لدخل عامة أي الله سبحانه وتعالى il connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre أما la deuxième إن الله معنا c'est que pour les croyants c'est que pour les alliés d'Allah سبحانه وتعالى فلهذا أبو بكر رضي الله عنه quand il était dans la grotte Naam avec le prophète alayhi salatu wassalam et al-mushrikoun, ils se sont approchés et Abu Bakr il les a entendus et le prophète alayhi salatu wassalam كذلك le prophète alayhi salatu wassalam pour rassurer Abu Bakr قال لا تحزن et ne sois pas triste inna Allah ma'ana Allah il est avec nous ça veut dire quoi Allah il est avec nous Est-ce que Wahid il comprend Allah il est avec eux dans la grotte? Ma'ad Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'Ali, c'est l'A'la. Là, les ulama ils ont expliqué Allah ma'ana ay bi nasrih. Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous bi nasrihi wa aunihi wa ta'yidi. Qad yaqul qa'il lakin vous faites du tahrif, vous reprochez aux autres de faire du ta'wil ou du tahrif et vous en faites. Abatan. Awalan, al-ma'iyya, al-amma et al-khassa, les deux significations qu'on a citées, en langue arabe, ça se dit. En langue arabe, ça se dit. Thaniyan, al-ulama, ils ont expliqué hada, et c'est la bonne compréhension, l'imada, l'yana, tu peux pas expliquer par l'autre. Pourquoi? Parce que ça va contredire les autres textes. Wallah subhanahu wa ta'ala qal, wa law kana min indi ghayrillah, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Ça nous montre, anna al-Qur'an, al-ulama, il l'explique en langue arabe, et bien sûr avec des sens qui ne se contredisent pas, contrairement aux égarés. Donc, le vrai sens, c'est ce que les salafs ils ont cité, et c'est en aucun cas du tahrif. Belle, c'est l'explication du verset. La langue arabe, c'est ce qu'elle signifie dans ce point. Je ne peux pas expliquer « una ma'ana ay al-ma'iyya » comme, maintenant, toi et moi, on est ensemble dans cette pièce. Là, là ça contredit les autres textes. قال والشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. Donc tu as bien les deux معية. La première العامة et la deuxième الخاصة et c'est التي مقتضاها النصر والتأييد. أي الله سبحانه وتعالى quand il est avec un عبد مؤمن أي il le secourt, il le préserve, il le protège. C'est pour ça que من حقق Al-Iman fi qalbih. Et il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fallah subhanahu wa ta'ala il est ma'a. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw. Et le prochain verset. Qala azza wa jal. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw. Qala Cheikh al-Fawzan. Tarakul muharramat wal ma'asi ala akhtilafan wa'iha. Ça nous montre que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il sera ma'a. Walladhina hum muhsinun. Ceux qui ont fait des efforts. في الإخلاص في الاتباع فالله سبحانه وتعالى إلى معهم كذلك قال إن الله مع الصابرين الله إلى avec ceux qui patient كذلك le verset précédent إنني معكما أسمع وأرى أي الله سبحانه وتعالى قال هذا لموسى وهارون أي il est avec eux il les voit et il voit et il entend هذا tout ça nous montre أن من حقق الإيمان الله إلى معه personne ne pourra te faire de mal لا تقلق لا تخاف. Fais des efforts faqat fi dinillah. Et c'est ça le fruit. C'est ça le fruit de l'iman bi hadhihi al-ayat. Al-karimat al-azima. C'est de haqqaq hadha al-iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te préservera. Il te préservera des maladies, il te préservera des ennemis, il te préservera de beaucoup de choses. Et il te facilitera, il te secourra, il te donnera le dessus bi idnillahi jalla wa ala. Qal wa shahid min al-ayat al-karima anna fiha معيه الله للصابرين etc. À chaque fois c'est la même chose. Si tu as compris هذا قال في نهايه الباب ما يستفاد من مجموع الايات السابقه افادت اثبات المعيه وانها نوعان. Tous ces versets ils montrent ان الله عز وجل له صفه المعيه et هذه المعيه les deux catégories. النوع الاول معيه عامه. قال ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. Le premier نوع donc المعية العامة. Et هذه العامة أي لجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre كما تقدم. النوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. هذه خاصة بالمؤمنين. Elle est réservée qu'aux croyants. Allah, il est ma'ahum, et il les secourt. Il les préserve, il les protège. Donc les deux premiers versets, c'est sur le ma'iyya al-amma. Et les cinq derniers versets, c'est sur le ma'iyya al-khass. ثم قال ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. Il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'ana, bien sûr avec les deux sens qu'on vient de citer, et il est au-dessus de son trône. Enfin, ne pas comprendre un Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous et il est sur terre. C'est pour ça que Bardanès, ils ont compris un Allah, il est partout. Pourquoi? Il est ma'ana, il est avec tout le monde. Et ils ont compris que Allah il est partout. Et ils ont rejeté les textes qui montrent que Allah il est au-dessus. Et là, chaque hadith, ça montre l'égarement. Amma al-Sunnah, ils ont accepté tous les textes. Et chaque texte, ils lui ont donné son haqq. En le comprenant avec la langue arabe et en revenant au salaf. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, قال أن لفرس الله سبحانه وتعالى لا كمان سبع العلم إلا فيني بع العلم قال فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإن nous a informé أنه il est au-dessus et nous a informé أنه il est قريب et أنه il est معنا فإن aucun cas on doit faire de la comparaison avec la créature. قال ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذة ولا محاذة نعم أي مماسة أي ne pas comprendre أن الله سبحانه وتعالى il est en contact avec la créature. Là, الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut, il est au-dessus. Et il n'a pas besoin du trône, il a besoin de personne. قال تقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا. Et هذا c'est طيب. الشيخ الفوزان حفظه الله il démontre الآن. En arabe, quand on dit ma'ana, ça implique pas que cette chose elle est avec toi, dans une même pièce, ou collée à toi, ou en face de toi. Ça implique pas ça. C'est pour ça que l'arabe yaqulun ma zilna namshi wal qamar ma'ana. Il disait on marche et la lune elle est avec nous. La lune elle est avec nous. Est-ce que la lune elle est avec lui, à côté de lui sur terre et là, là la lune elle est au-dessus. Donc pourquoi on accepte ça dans ce mythe? Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala il est ma'ana et il est au-dessus. Il n'y a aucune contradiction. قال مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. La distance entre la lune et l'être humain qui est sur terre, elle est énorme. فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما وسيأتي لهذا مزيد أو مزيد بيان إن شاء الله. نعم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Al-Wasitiyya, il a cité un chapitre et il a cité les deux, Al-Ulu ou Al-Ma'iyya, pour montrer qu'il n'y a aucune contradiction. Et Inch'Allah Ta'ala, quand on arrivera à ce passage du livre, on détaillera akthar. On aktafi bihada. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on passe à notre deuxième dors. Donc on a vu deux chapitres aujourd'hui. Bab Al-Ulu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de la créature. Et on a fait la différence entre Al-Ulu et Al-Istiwa. Al-Ulu c'est une sifa dhatiya et Al-Istiwa c'est une sifa fi'liya. Naam. Et كذلك Al-Ulu c'est une sifa thabita bil-aql wal-naql, amma Al-Istiwa bil-naql faqat. Et après on a vu le chapitre sur Al-Ma'iyya. En résumé, pourquoi? Parce que Cheikh Al-Islam, il a détaillé هذه المسألة plus tard dans le livre. Rahmatullah alayhi. فريزي هذه الابواب فهي مهمه وسهله وانا essaie de simplifier comme تسمعون فالمراجعه c'est مهم de réviser خاصه quand les dros c'est tous les jours يعني quand les dros c'est tous les jours enfin chaque jour un nouveau chapitre enfin on essaie de suivre dans la mémorisation chacun selon ses capacités et vu qu'on fait dros tous les jours si واحد il arrive pas à apprendre tous les jours et finir en même temps qu'on finit l'étude du livre l'amr سهل il y a pas de mal. On fait des efforts, on continue. Et Inch'Allah, celui qui n'a pas fini à la fin du livre, il finira après. Amma les dros, vu que c'est tous les jours, on donne du temps, tous les jours, une révision. Wala ou birtisar. En résumé, et quand on finira le livre, on fait une révision du livre complète. Inch'Allah.